Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Lève-nous pour la lecture de la parole. La prière Maombi est la force du croyant. C'est une arme spirituelle que Dieu nous a donnée. Une bonne manière de respirer et d'avaler la parole que nous recevons tous les jours. Dans la prière, nous demandons l'assistance de Dieu, le secours de Dieu, la grâce de Dieu, pour nous permettre de recevoir la force, l'énergie, de mettre en pratique ce que nous avons reçu. Inclinons nos têtes. Béni soit ton Saint-Nom. Toi le Dieu de toute éternité. Merci pour la journée de prière. Merci pour les frères et les sœurs qui croient en tes paroles. Qui croient que toi tu réponds aux prières. Au nom de Jésus-Christ, réponds à chaque prière qui t'a adressé ici depuis le matin. Merci au Dieu, parce que toi tu as dit, tout ce que nous te demanderons à ton nom, toi tu l'accorderas. Merci au Père, nous croyons que tu le feras, parce que les frères et les sœurs ont demandé avec foi, avec espérance, avec assurance, que leurs prières ont été entendues. Merci Seigneur Jésus. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, descends encore au Père, ouin chacun de nous d'une manière particulière, ouin bien-aimé, mais Père Céleste, ton serviteur que tu vas utiliser, Seigneur, que le ciel nous parle pour notre paix. Merci Seigneur. Bénis les frères et les sœurs qui sont en ligne, du début à la fin de ce service. Que ton nom soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Ruth au chapitre 3. Luta suratia tatu. Commençons au verset 1. Nandia musuratia kwanz. Jusqu'au verset 4. Fika ba musari aine. On va aller jusqu'au verset 5. Naweza kwenda ta kumusari atano. Naomi, sa belle-mère, lui dit. Naomi, mumama yake muko akamwambia. Ma fille, Bintiwang. Je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Ninataka nipate kuhakikishia pumziko kusudi upate kuwa katika furaha. Et maintenant Boaz avec les servantes duquel tu as été, sasa, n'est-il pas notre parent? Sasa Boaz na babichakazi bado kulikuwa nabo eti Boaz ana mzazi yetu. Voici, il doit venir cette nuit. Les anges qui sont dans l'air, lave-toi unawe et oint-toi. Na ujipakale mafuta. Puis remets tes habits. Kisha uvale manguo yako. Et descends à l'air. Na ushuke mule mukiwanja. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite, va. Découvre ses pieds et couche-toi. Et il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous voulons parler de la troisième phase de Ruth. Il concerne le repos de Ruth. Nous avons parlé longuement de sa décision. Nous avons longuement parlé de sa séparation. Comment cette jeune femme de foi avait quitté son pays natal avait abandonné ses parents. Elle s'était éloignée de ses dieux et de son peuple. Elle a fait un long voyage jusqu'en dans le pays d'Israël. Étant arrivé en Israël, elle et sa belle-mère s'installèrent à Bethléem. Et c'est là où nous avons parlé longuement, presque pendant une semaine, du travail de Ruth. Comment elle est entrée en Israël? Comment cette dame s'est humiliée malgré sa jeunesse? Elle accepta de faire un travail des gens sans valeur. Et elle travailla durement. Nous avons montré comment son travail lui a valu un bon témoignage. Cette femme appréciée par sa belle-mère, cette femme appréciée par même les gens de son entourage, les serviteurs de Boaz ont donné un bon témoignage. Boaz lui-même fut témoin de la vertu qu'elle vit dans cette femme. Après ce dur travail, Ruth devait se reposer. Luta aripasha sasa kupumzika. Après ce travail dur, kisha ile kazi ya tumika ya nguvu, sous le soleil, chini ya jua, dans toute humilité, katika unyenyekevu yote, Ruth reçut un repos. Luta sasa aripokea pumziko. Elle reçoit ses repos après un bon témoignage. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Un homme ne peut jamais se reposer. Muntu awezi kamwe kupumzika. Avant son travail. Mbele aye kutumika. Le repos est toujours accordé. Umziko bane patiaka paka. À ceux qui ont travaillé. Ubale bawo bali tumika. C'est vrai, frère. Ya kweri nduku. C'est vrai, ma sœur. C'est après ce travail dur. Elle est rentrée à la maison. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma précieuse belle-fille. Écoute-moi. Tu sais que je t'aime. Tu as été pour moi un grand secours. Tu as été pour moi un grand soutien. Tu as été pour moi une consolation. Maintenant, écoute ma fille. Je voudrais te garantir ton repos. Afin que tu sois heureuse pour toujours. Afin que tu oublies complètement les difficultés que tu as rencontrées. Écoute bien ma fille. Sais-tu que Boaz, avec ses servantes duquel tu étais, et notre parent, sais-tu qu'il a le droit de rachat sur nous? Sais-tu qu'il est l'unique homme ici en Israël qui est capable de nous rendre heureux? Le sais-tu, ma fille? Voici ce soir. Il va venir. Cette nuit, il sera dans le terrain pour venir. Mais écoute-moi bien. Pendant tout ce temps que tu allais travailler, je t'ai laissé t'habiller comme tu voudrais. Maintenant, écoute. Lave-toi. Naomi dit, Naomi akasema, écoute ma fille, sikiliza binti wangu, lave-toi soigneusement. Unawe mzuri kabisa. Et après, nakisha, oint-toi d'une bonne huile. Ujipakale mafuta ya mzuri. Et enfin, na mwisho yote, remets tes habits. Va mango yako. Et après que tu aies remis tes habits, na kisha we kujivarika manguo, descends dans le terrain. Shuka mule mukiwanja. Où notre parent va venir cette nuit. Mule nduku yetu atapepula mavuno yake hiyo usiku. Et quand tu seras au terrain, na wakati utafika mule mkiwanja, où il va venir. Cache-toi d'abord. Laisse notre parent faire son travail. Ne te fais pas connaître à lui. Tu le laisseras accomplir son travail. Tu le laisseras manger calmement et boire calmement. Après avoir mangé et bu, il aura un temps de repos. Il aura besoin de se coucher. Et toi, observe tous ces mouvements. Observe les mouvements de notre parent. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il va se coucher. Après qu'il se soit couché, ensuite va. Enlève sa couverture au pied. Et couche-toi à ses pieds. Na wewe ulale kumikulu yake kule. Lui-même. Ye mwenyewe. Toi ne dis rien. Wewe hapana kusema kitu. Va seulement. Wewe ende tu. Découvre ses pieds. Ufungule mikulu yake. Et couche-toi à ses pieds. Na ulale kule kumikulu yake. Ne dis aucun mot. Hapana kusema kitu hata kimoe. Lui-même. Ye mwenyewe. Te dira ce que tu dois faire. Hérite. Naluta. Cette femme fidèle. Oui, mwanamke mwaminifu. Cette femme obéissante. Oui, mwanamke mutifu. Répondez à sa belle-mère. Akamujibu mamake muko. Mama. Ne vous en faites pas. Hapana kuhangaika. J'ai bien reçu l'instruction. Nilisikia mzuri agizo yako. Comme c'est pour mon repos. Vile ni njia mapumziko yangu. Comme c'est pour ma paix. Vile ni njia salama yangu. Comme c'est pour mon bonheur. Vile ni njia raha yangu. Je te garantis. Mimi nakuhakikishia. Je ferai. Nitafanya. Mot à mot. Nukta kwa nukta. Ce que tu m'as dit. Ile wewe uniambi. C'est vrai. Mkweli. Elle allait rencontrer. Arienda kukutana. Un homme de valeur. Alipasha kwenda kukuta mtu wa bei. Ruth allait rencontrer. Luta alipasha kwenda kukutana. Un homme de valeur. Na mtu wa bei. Comme nous l'avons dit dans les jours passés. Wakati tumeambia masiku isha kupita. Boaz n'était pas n'importe qui. Boaz a chikwe muntu ote ote. Boaz est un gouverneur. Boaz alikuwa ni liwali. Un homme puissant. Muntu wa uwezo. Un homme riche. Muntu mtajiri. Un homme respectable. Muntu mheshimiwa. Un homme de grande valeur. Muntu wa bei kabisa. Mais il n'était pas marié. Lakini shikwe mwenye kwa bado. C'est vrai. Ni bien quoi. Ruth. Luta. Cette femme. Oui, mwanamke. Qui typifie. Uleko na manisha. L'épouse des nations. Uleko na fananisha bibi harusi wa mataifa. L'épouse de Jésus-Christ. Un véritable chrétien. Christ wa kweli. Un élu de Dieu. Mteule wa Mungu. Pour rencontrer le Seigneur. Ya kukutana na Bwana. L'épouse. Bibi harusi. L'élu de Dieu. Mteule wa Mungu. Les fils et les filles de Dieu. Binti na bana wa Mungu. Doivent être lavés d'une eau pure. Na maji safi. Et cette eau pure, maji safi, c'est la parole de vérité. Ni neno ya kweli. La parole que nous recevons tous les jours neno letu unapokea kila siku, est une eau pure ni neno, ni maji safi, qui nous purifie tutakasa, de toutes les chutes du monde. Na mabuchafu yote ya dunia. C'est vrai. Ni kweli. En tant qu'époux de Jésus-Christ, sawa bibi harusi wa Yesu Kristu, nous ne pouvons pas rencontrer notre boise comme suyer nos bien-aimés frères. Comme époux de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas les rencontrer sentant une mauvaise odeur du péché. Nos bien-aimés frères. Vrai. Pour rencontrer aussi notre boise, nous devons être lavés. Nous devons être propres. Voilà pourquoi nous venons tous les jours pour nous laver. C'est la parole. Quand la parole est apportée, cette parole nous lave de toutes les chutes du monde. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est vrai qu'il ne vient pas écouter la parole. Il ne veut pas se laver. Elle ne veut pas être pure. C'est vrai. Vous ne pouvez pas rencontrer le Seigneur comme une femme essuyée, comme un homme essuyé, essuyé de corps, essuyé d'esprit, essuyé dans l'âme. Non, bien aimé frère. Tout notre être doit être complètement lavé par l'eau de la parole. Notre âme doit être lavée de toute incrédulité. Notre esprit doit être lavé de toute chute de l'esprit. Notre corps doit être lavé de toute la mondanité. Être lavé dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Habillé correctement comme de véritables chrétiens. Comme de véritables chrétiens. C'est vrai, frère. Notre esprit doit être renouvelé. C'est vrai. Avec des pensées pures, des pensées justes, des pensées honnêtes, des pensées saintes. Notre âme nettoyée complètement d'impureté, d'incrédulité. C'est vrai, frère. Jésus-Christ ne rencontrera jamais un homme, une femme souillée. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. Quand vous sentez encore l'odeur du péché, vous êtes encore souillé dans votre pensée par le monde, par le péché, tu ne seras pas reçu. Non, bien-aimés frères. Nos bien-aimés sœurs, on doit sentir. Voyez, on doit sentir une bonne odeur. C'est vrai, frère. On doit être parfumé. C'est vrai, frère. C'est vraiment sœur. Après s'être lavé. Oui, bien-aimé frère. Dans Hébreux au chapitre 10. Moi, Hébrania sura kumi. Dans Hébreux chapitre 10. Wa Hébrania sura kumi. Dans son verset 22. Mustareke makumi nambi. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Tukaribie basi na moyo wa wati. Un cœur sincère. Moyo ya wati. Pas un cœur hypocrite. Hapana le moyo una. Mais un cœur véridique. Ni moyo ya kweli. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est vrai. Notre conscience doit être complètement nettoyée. Doit être complètement purifié. Le corps doit être lavé. Le cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute en nous. Lorsque nous nous approchons de Dieu, il n'y a pas de doute en nous. C'est avec fermeté que notre parent nous recevra. Car il se quitte la maison où elle restait avec Naomi, c'était dans la plénitude de la foi que certainement, après qu'elle est mise en pratique et honorée les instructions de sa belle-mère Naomi, elle sera riche. Il n'avait pas de doute dans son cœur. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Notre époux, notre Seigneur Jésus-Christ, ne recevra jamais, quelqu'un non lavé. C'est vrai. Éphésiens chapitre 5. Dans son verset 26-27. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'église est avec moi. Dieu ne peut pas supporter dans sa présence une église tachée. Non, bien aimé frère. Une église souillée par les enseignements dénominationnels, les enseignements traditionnels. Non, bien aimé frère. Non, bien aimé sœur. Notre Seigneur, notre époux, ne peut jamais recevoir une femme ridée. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. Elle n'a pas de place dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi Il envoie sa parole pour nous purifier. C'est vrai, frère. Quand nous venons tous les jours, il envoie son eau de la parole pure. Et quand nous sommes lavés, quand il envoie sa parole, il envoie son eau, nous nous y plongeons, nous l'acceptons, nous regardons nos torts, les saletés qui s'attachent à nous, nous nous mirons. Et nous enlevons tout ce qui est essuyé sur nous. C'est vrai, frère. Parce qu'il ne peut pas supporter une femme non lavée. Bien, mes frères. Pour être parfumé, il faut d'abord commencer par être lavé. On ne peut pas parfumer, on ne peut pas se parfumer en étant essuyé. Non, bien, mes frères. D'abord, il faut être lavé. Et non pas que tu viens du champ, na potopoto, avec de la boue, na machichi, avec de la sueur, na diacho, et avec de la sueur. Non, ah oui, je veux que tu présentes un bel homme. Non, tu ne peux pas te présenter devant le roi. Non, bien aimé frère. Pas n'empêche Non, bien aimé sœur. C'est vrai. Même la vie si naturelle. Attends, oui, machia tu es qui assis. Nous enseigne beaucoup de choses. Il ne te faut jamais te faire mince. Une femme vient du champ, avec la sueur, avec la saleté du champ, avec de la boue. Voyez, les mains souillées de braise, elle va se plonger dans son lit. Même son mari ne peut pas s'approcher d'elle. Elle est souillée. La femme doit être dans un état qui attire son mari auprès de lui. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Avec les cheveux là, nous arrangés. Et même les insectes marchent dans les cheveux. Pocha kumacho. Avec de la... Même le mari aura son dégoût. Attends, avec moi. C'est pourquoi... Naomi. Naomi. L'instructrice. L'enseignante dit à sa fille, moi je vais te rassurer ton repos. C'est vrai. Je voudrais te voir heureuse. Je voudrais te voir être récompensé. Tu sais que ce soir, Boaz, notre parent et ses servantes, va vanner. Écoute mon conseil. Commence d'abord par te laver. C'est vrai, frère. Tosha buchafu. Enlève toute saleté. C'est vrai, frère. Pour ce qui nous concerne, nous devons enlever toutes les sueurs de l'âme, tous les doutes, l'incrédulité, les mauvaises pensées, cette vie de sueur. Même quand vous regardez la chair, votre corps extérieur reflète votre intérieur. Dieu s'occupe et de l'âme et de l'esprit et du corps. C'est pourquoi il dit, soyez vêtus d'une manière décente. C'est vrai, frère. Il faut être purifié. Parce que l'épouse doit être lavé d'une eau pure. Oui, bien aimé frère. Elle doit être sans tâche. Aïfa Boaz en Angaria. Il les regarde. Et qu'on a plus de chaff. Et il voit des saletés. Frère. Mais il y a une atteinte de Zak. Et l'eau aussi arrange quelqu'un. Mais. L'eau arrange aussi les gens. Vous voyez, même si quelqu'un venait du service. Moi, c'est tangourambele qu'on peut chamaille. Vous laissez C'est pourquoi vous remarquerez nous dans cette église. Ils sentent très mal. Voyez bien, mes frères. Non, on va pas nous. Ou en toi. Ou dis pas qu'elle est ma fouta. C'est vrai. Il dit à quoi? Ou en toi. Ou dis pas qu'elle est ma fouta. Avant d'aller. Mais au coin. Dans 2 Corinthiens chapitre 1. Ou en Corinthiens chapitre 1. Chie, tu n'as pas cher kupakala mafuta kani. Nous, c'est quel genre ni mafuta kani la mba, tu n'as pas cher kupakala. C'est quel genre d'huile que nous devons appliquer? Hey. Ma soeur, 2 Corinthiens chapitre 1. Dans son verset 21. Oui, frère. Ndio nduku. Oui, ma soeur. Ndio dada yangu. Écoutez. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, et c'est celui qui nous a fermés avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Celui qui nous a fermés en Christ. Et celui qui nous a oint. C'est Dieu. Frère. Quand on est propre. On ne lave pas la parole. Le Saint-Esprit. J'ai maintenant pour te wendre. Pour que tu aies un bon parfum. Une bonne odeur. Pourquoi te wendre? C'est pour enlever votre odeur naturelle. Pourquoi le Saint-Esprit vient te wendre? C'est pour enlever votre caractère naturel. C'est vrai. Il faut que tu sois ouin. Pour donner cette bonne odeur. Quand quelqu'un est ouin du Saint-Esprit, il sent bon. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Naomi dit, Naomi anasema, après ton lavage, kunawa, n'oublie pas de te wendre. Il faut que tu sentes bien. Même quand tu vas te coucher là, quand il se réveille, qu'il sente une bonne odeur. Regardez comment Naomi parlait. Hein. C'était avec assurance. Regarde comment il a parlé. Il dit, lui-même te dira ce que tu dois faire. Quand Naomi instruit Ruth, elle était sûre et convaincue que si Ruth met en pratique ses instructions mot à mot, Boaz va la racheter. Elle n'avait pas de doute. Elle n'avait pas de crainte. Toi, suis seulement l'instruction. Oui, bien-aimé frère. Vous savez, bien-aimé frère. Quand quelqu'un, un croyant, un fils de Dieu, après quel qu'il soit lavé par de la parole, après qu'il soit lavé par cette eau pure, avant que cet homme-là ne reçoive le Saint-Esprit, après sa sanctification, il n'y a plus rien dans son âme, il n'y a plus rien dans son esprit, il n'y a plus rien dans sa chair. Même la convoitise de la chair a déjà disparu. Maintenant cet homme-là, il est en voie de recevoir le Saint-Esprit. Esprit. Pendant cette période-là qui le sépare de son repos, qu'est-ce qui lui arrive? Il est loin de l'Esprit de Dieu qui sème en lui la faim et la soif du Saint-Esprit de Dieu. Cette soif-là et ce faim et cette faim le conduit à la vie de la prière. Il a soif de Dieu. Et cette soif-là commence à chercher le Saint-Esprit, à chercher Dieu. Et avant que le Saint-Esprit ne vienne, il y a une onction qui précède. C'est cette onction-là qui met en vous la faim et la soif de Dieu. Frère, Bushiku, la nuit, comme on a la munka, lorsqu'il va se réveiller, kukona mu ya kuomba, tu as la soif de prier, comme on a toka ukai, lorsque tu quittes l'emploi, dani yako, kukona mu ya kuomba, tu as la soif de la prière, unenda kwa mashamba, tu vas au champ, avant ulime, kukona mu ya kuomba, tu as la soif de prier, dani yako, en toi, wewe mwenye unaanza kujiuliza kusema, toi-même tu commences à te poser, shina vile mimi nikalaka, ni ya kweli. Oui, c'est vrai. Ah, on a vu là où on est calaka. Parce que maintenant, ta vie a été complètement lavée. Ton cœur a été lavé. Ton esprit a été lavé. Tu es pur. Tu vas rencontrer maintenant le grand gouverneur, votre Boaz. Maintenant, il y a cette onction-là qui vous précède. Tu sens bon. Tu commences à sentir bon. Et pendant cette période-là, chaque prière que tu fais, elle est exaucée. Quand tu te mets à genoux, tu n'es pas seul. Vous-même, vous sentez une certaine onction, une force qui t'environne. Quand vous priez, ce n'est pas toi qui prie, c'est l'onction de Dieu qui prie à ta place. Parce que tu t'es déjà lavé. Tu es propre. Maintenant tu commences à sentir bon. C'est dans cette onction-là. C'est dans cette onction-là que le baptême du Saint-Esprit vient. Y a-t-il des hommes spirituels ici? C'est dans cette onction-là que le Saint-Esprit viendra pour te donner le repos de votre âme. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Regardez. Mwangali. Naomi dit. Naomi anasema. Ouais. Ouin-toi. Ujipaka mafuta. pas seulement se oindre. Il lui a donné tous les conseils. Et puis, remets tes habits. Tu ne peux pas rencontrer les grands patrons mal habillés, nus. Non, c'est un homme respectable. Tu dois t'habiller correctement. Tu n'es pas une prostituée, ma fille. Non, bien aimé frère. Non, bien aimé soeur. Ruth dit, Naomi dit, tu n'es pas une prostituée. Non, tu es une femme vertueuse. Une femme honorable. Une femme de bon sens. Remets tes habits. C'est vrai. Dieu, comme on a couru, parce que quand tu viendras, moi, je couvre là indécemment. Mal habillé. Natuma au talon. Avec des hauts talons. Boaz va te fouser. Boaz va te chercher. C'est un homme respectable. Muntu wa heshima. Un homme respectable. Anawaka bibi wa heshima. Épouse une femme respectable. Oui. Un homme délinquant, Dieu anawaka bandumba. Les femmes prostituées. Vous voyez? Non. Un homme responsable. Se marie par amour. Et non par convoitise. C'est pourquoi ma fille. Remets tes habits. Sois habillé décemment. Vala mzuri na heshima. Ici en Israël, les prostituées n'ont pas de valeur. Ici en Israël, une prostituée est maudite. Elle est rejetée par la communauté. Kama unenda kovunji. Mwene kuvwala tuma mini jipe. Mwene kuvwala ma jipe scandale. Mwene kuvwala tuputula. Ma pantalon. Bitofo inje. Boaz va te chasser. Voilà mzuri. Habite-toi convenablement. Remets tes habits. Voilà mzuri. C'est vrai, frère. Maman, tu connais Shanga. Les choses qui moi, de l'Odyssée. Dans cet âge de l'Odyssée. Ni banamouke. C'est les femmes. Ava peine de couvrir la vie à Yeshima. N'aiment pas s'habiller décemment. Waka, tu veux qu'on accueille en présence, Yamou. Pendant qu'elles viennent dans la présence de Dieu. Comment une véritable chrétienne. Atawezukuya. Mumuso Yamou. Peut arriver dans la présence de Dieu. Natuma mini-jupe. Avec des mini-jupes. Nama, habits, les habits collants. Namangoué, transparents. Mangoué, Konisha, bien dans les Eko na kuya na majiba inje, makwapa inje. Eko na kuya masilipi kononekana, masutie kononekana. Ma base ya majiba kononekana. Koma sa, jete mepri. Nika kuzarau, nika zarau. Notre époux n'est pas un délinquant. Ashina wa mjambaz. C'est un homme honorable. C'est un prince. Ni mfam, toto mfam. C'est vrai frère. Ya kweri ndu. C'est vrai, ma soeur. C'est un homme de valeur. On ne peut pas se présenter n'importe comment. Est-ce qu'elle est avec moi? Frère. Ces gens ici du monde. Quand on l'appelait qui doit aller rencontrer un homme respectable. Lui aussi s'habille respectueusement. Hapana wewe uko nakuya kukanisa. Et non pas toi tu viens à l'église. Ça qu'on est dans mon spectacle ya musique ya pagan. Si tu allais dans les. Ça qu'on est dans le bar. Dans les bars. Dans c'était mépris. Il est ni kazarao. On est chuchu au moyen Shima. Tu te rabaisse toi-même. Na mwili ya prenu ya shusha ishima. Et même ton corps, tu as... Maanguo yako ikononisha kusema. Et même tes habits... Uko na karakter frivol. Tu as un karakter... Tu as un karakter léger. Karakter mwa ya chini kabisa. Ya bundumba. Ya de prostituee. Oui, bien aimé frère. Non, on va pendu andu. Comment quelqu'un qui vient dans la présence du Seigneur... Bien, on a kuya mwepo wa bwana. Eko na kuya... Eko na nunka ntumbako. Viens en sentant la fumée. Eko na nunka lutuku. Viens en sentant... Eko na nunka minkoyo. Viens en sentant les boissons indigènes. Quel mépris. Ni kazara ukan. Non frère. Pana bagunduku. Quand on va rencontrer quelqu'un d'honorable, on s'habille en conséquence. Na wako na vola na mnamna heshima. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Et Ruth devait s'habiller comme une épouse. Pas comme une prostituée. Non, bien-aimé frère. C'est pourquoi, comme elle n'était pas une prostituée, Ruth aussi était une femme honorable, une femme vertueuse, une femme de caractère. Sa belle-mère lui dit, quand tu seras là, couche-toi à ses pieds. N'allez pas dans sa poitrine. Non, ne le faites pas. Couche-toi, à ses pieds. Il ne faut pas avoir de prétention. Allez à ses pieds. Mais tu dois bien t'habiller. Apocalypse 19. Ouais. Apocalypse 19. Prenons le verset 7 et 8. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Donne-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. C'est vrai. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. C'est vrai. Éclatant. Pur. C'est vrai. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'épouse doit savoir s'habiller. Un habit, un fin lin. Un fin lin. Un habit éclatant. Et pur. Les œuvres justes de saints. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. La parole de Dieu. Nous est donné pour nous laver. Le Saint-Esprit vient pour nous oindre afin que nous ayons une bonne odeur. Après l'onction du Saint-Esprit, nous devons nous habiller de la justice de Christ, les bonnes œuvres. C'est un bon témoignage. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Mais remarquez, Ruth, Luta, akuna wake mai, il conseille, je conseille ici, Naomi a kumpachie yo shiku ya kwanza, Naomi ne lui avait pas donné le premier jour, pala danza kuenda kutafuta, kwaye kulokota, lorsqu'elle a cherché où aller, elle devait aller glaner, pa kuenda kutumika, pour aller travailler, bana voilà kamanguo, on s'habille des habits, ya kufuatana na kazi ukonenda kufanya, qui s'emboîte avec le travail que tu vas faire. Ah, bana kanza kumpatia conseil. Mais au moment où ni kumwisho ya mavuno, c'était à la fin de la moisson. Ma tambiri ya kwachana. Deux temps complètement différents. Quand Ruth travaillait d'abord, sa belle-mère ne lui avait rien dit. Mais maintenant, quand la fin de la moisson est arrivée, elle lui a dit ceci. Maintenant, les choses ont changé. Maintenant, présentement, lave-toi. Est-ce que tout ce temps, Ruth ne se lavait pas? L'eau ici que Ruth c'était l'eau de la circonstance. C'est-à-dire, lorsque tu entends elle s'examine entièrement. Pour qu'elle soit parfaite, qu'elle n'ait rien qu'on puisse lui reprocher. kunawa, lorsqu'elle est partie sur la grève, elle s'examinait avec la parole de Dieu. Elle ne veut plus que dans sa conscience il y ait une moindre condamnation. Une toilette spéciale. Ça, c'est une toilette qui est équipée. Aina toilette ordinaire. Aina kujiosha kwa kila wa kawaida kwa kila siku. Parce qu'ukose ibati. Manquer cette chance. Kuna kuishi. Ça n'est fini pour toi. Hakuna tena repêchage. Il n'y aura pas de repêchage kurudiriam. Frère. Hakuna tena repêchage. Donc il n'y aura plus kurudiriam tena. Kama leo hii. Si aujourd'hui. Avec le message du temps de la fin. Ukose kutakashiwa. Tu manques d'être purifié. Dieu a kupata Roho Mtakatifu. Pour recevoir le Saint-Esprit. Kuna kuisha wewe. Ça n'est fini pour toi. Utatoshaka tena sauti wapi? Où trouveras encore notre ambao, parole? Itoa kunawisha maji. Qui va te purifier? Est-ce que l'Église est avec moi? T'as dit c'est pas moi, jeune ami? Ce message du temps de la fin. Et le dernier. En dehors yaï. En dehors de ceci. Mujumbe. De cette, il a le message, Kuba Yuda. Le message va retourner chez les Juifs. Donc nous sommes. Donc c'est moi. L'épouse des nations. Vous voyez. Non, non. C'est la dernière. La dernière occasion que Dieu nous envoie. Pour aller rencontrer notre Boaz. Sasa imai uko na nawa. Ineno la Mungu bado kutumia. Jo ya mwisho. Jo baadhi yako ya mwisho. Yawe kujichunguza nayo. On ne doit pas. On n'a pas droit d'être distrait avec le message du temps de la fin. Frère, Nduku, ma soeur, kama kuko wakati il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit sérieuse, il n'y a pas ça, ça n'a rien de l'amour. Il n'y aura pas un autre message. C'est le dernier message biblique, le seul et l'unique que Dieu a envoyé dans les derniers âges de l'Église, l'âge des gentils, pour préparer l'épouse afin d'aller à la rencontre de son époux. Frère, mafundisho na mahubiri ya mazevu haiwezi kukutakasa tena. Ne peuvent pas te purifier. Ça n'existe plus. Aina kote na. C'est la dernière occasion. Jo bati ya mwisho. Mon frère, ma soeur, Nduku yangu na dada yangu, je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Ndiko nimeambia mjina ya Bwana. Nous n'avons pas droit de négliger la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Maintenant. Hapa sasa. Pas seulement négliger la parole. Hapa na kusula neno. Nous n'avons pas le droit de négliger notre propre vie chrétienne. Ya kikristiani. Kama kuko wakati ile, il faut kujiangalishisha mzuri, il faut kujiexaminer mzuri, il faut kujiverifier mzuri, ni hapa sasa. Prenez chaque parole qui vous est annoncée, vérifiez votre conscience, vérifiez votre esprit, vérifiez votre corps. Est-ce que tu es conforme à la parole de Dieu? Ata pale unavualaka. Même quand tu t'habilles. Unavualaka sawa. On a voilà que ça va les bâcheurs, frère Banam a rien comme vision. Est-ce que tu t'habilles comme ces frères et ces soeurs-là que frère Banam avait vu dans la vision? Pas de négligence. Parce que c'est la dernière occasion. Si vous ratez, c'est fini. Si vous ratez cette occasion, qu'on a ça n'est fini pour toi. Tu ne verras plus le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Paul dit aux Hébreux, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu ne vas pas le voir avec des habits sales. Tout comme maintenant mon ligne droite. Nous sommes sur une ligne droite. Donc moins chaud, il y a moins chaud, il y a mambo yote. C'est ça la fin de toutes choses. Il faut être en ordre dans votre corps. Il faut être en ordre dans votre esprit. Il faut être en ordre dans votre âme. Il faut être en ordre avec sa propre conscience. Il faut être en ordre avec les frères et les sœurs. Il faut être en ordre avec Dieu. Munyumba yako, dans ta maison, soyez en ordre. Na bibi yako, avec ta femme, na bwana yako, avec ton mari, na baba yako, avec ton na batoto yako, avec tes enfants, na barafiki yako, avec tes amis. C'est la ligne droite. Jo mustari ya kunyoloka hii. Parce que bientôt Boaz, kwa sababu hapa sasa hapa Boaz, atenda mukiwanza jua kufane, va descendre dans les airs pour vaner. Bientôt quelque chose va se passer. Hapa sasa hapa kitu mwa kitapitikana. Oui, bien-aimé frère. Quel bon conseil. Écoute, ma fille. Je voudrais assurer ton repos. Afin que tu sois heureuse. Que tu sois heureuse pour toujours. S'il y a un temps où chaque croyant doit prendre son balai pour balayer, voir qu'est-ce qu'il a perdu dans sa vie, c'est maintenant. S'il y a un temps où nos lampes doivent être nettoyées, c'est maintenant. Parce que bientôt, on va rencontrer le gouverneur, notre Boaz. Je vais te rassurer. Je vais te rassurer de ton repos, afin que tu sois heureuse. C'est vrai. Maintenant Boaz, avec les servants duquel tu étais, n'est-il pas notre parent? C'est lui qui a le droit du rachat sur nous. Ne ratez pas cette occasion. Et voici il va vanner. Bientôt il viendra chercher son épouse. C'est vrai. Il viendra récolter. Bientôt là il sera là. C'est pourquoi lave-toi. Oint-toi. Et remets tes habits. Ce que nous devons faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le problème est très sérieux, Ndoku. Si y a un temps, mon frère, Ndoku yangu, ma soeur, dada yangu, il faut sérieux na mambo ya Mungu, il faut être sérieux avec les choses de Dieu, na okovu yako, avec même ton salut, na maisha yako, et même avec ta vie, c'est maintenant. Wakati, si il faut tout abandonner. Il faut tout sacrifier pour se préparer à la rencontre de notre Boaz. C'est maintenant. Pensez-vous, frère? Pensez-vous, sœur? Que Kisha Ruth Luta apprendre quand j'ai à maman yake d'apprendre pas la voix de sa belle-mère à ce me Boaz Léo John Wisha ma voulu que c'est aujourd'hui la fin de la moisson aujourd'hui na où le Boaz où le ce Boaz là Joe qu'on a droit de l'achat sur nous c'est la seule occasion comment on a raté qu'on a Isha si on a raté ce ça n'est fini pour nous donc vous pensez que dans la préparation de Ruth, il y avait des blagues? Non, mon frère, non, ma soeur. D'ailleurs, avant que Bushiku bukuye. Bele qui est la nuit. Une journée il est. Toute cette journée là. Ruth n'avait pas d'autres pensées. N'avait pas d'autres préoccupations. Mambo yake. Son problème à elle. Il est cool de Tengeneza. Ce qui lui préoccupait, c'est sa rencontre avec Boaz. Comme à coup autant, jamais eu un temps, nos pensées doivent être fixées sur Christ. Namandoto yetu yenyewe, unalala, ukonalota Christ. Unalala, ukonalota enlèvement. Unalala, ukonalota ba frère, les sœurs, les saintes sœurs, et les saints frères. Il est nous le Seigneur, Dieu période. C'est ça le temps. Oui, où qu'on a là. Toi, tu t'endors. Où qu'on a l'autre, va ne visiter que les vignes. Tu rêves, tu... On a l'autre, il m'a engagé à la télévision des vignes. Bi, ni vignes, ni vignes. Va, ala, ni banane. Ala, va, nyama, va couler ta boca, ni banane. Va, zombie. Tu rêves des zombies. Oui, où qu'on a là, où qu'on a l'autre, va, zombie. Toi, tu t'endors, tu rêves les zombies. Tu es souillé. Où qu'on m'y écoute, tu t'affouches. Tu n'es pas correct. Auna ukunyoroka. Tu n'es pas prêt. Auna tayari. Tu n'es pas prêt. Auna tayari munduku. Ukona lota ba zombie. Tu rêves les zombies. Ungari ukona lala. À peine dormi. Ukona lota ba zombie bekona kufukuza, bekona kufukuza. Bando mankucha mulefu. Bekona la. Tu n'es pas prêt pour rencontrer le Seigneur. Auna tayari njo kukutana na Bwana. Quand quelqu'un est prêt pour rencontrer le maître de la moisson. Mawazo yake yote. Ma sentiment yake yote. Inamwendea le maître de la moisson. Le Seigneur de la moisson. Frère. Isaïe. À 7h. Oléa Kulota. Au lieu de rêver. Où qu'on a mis ma cantique. Tu chantes. Mais où qu'on a l'autre. Où qu'on a mis ma nimba mouma bas. Tu chantes les cantiques des bas. Les chansons des bas. Tu n'es pas prêt. Ah oui, à quoi bas de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Munga mi bari. Nous allons continuer. Tout à l'heure. Tu as compris. Nanya Gulana Shikia. C'est bien. Suivez l'instruction de Naomi. L'instruction de Naomi. C'est vrai. Comment on a fait l'instruction à Naomi? Si tu suis les instructions de Naomi, tu verras. Frère. Nous sommes dans une période Nous sommes dans une période où il faut se débarrasser de toute chose qui s'attache à toi, qui n'est pas conforme à la parole. C'est vrai, frère. C'est le trouble avec les gens. Arrête les dettes. Arrête escroquerie. Arrête d'escroquer Kwibia Bandu. S'il faut kufa njala, il faut mourir avec la faim. Kufa njala, meurt avec la faim. Mais kizuri, mais c'est mieux. Ou pas tamba kole wana Boaz. Que tu sois épousé par Boaz. Lève-nous pour la prière. Tu si ma metu ama. Kama unasula hii mai ya mwisho. Si tu néglige cette dernière eau. We mwenyewe kazi yako. Toi-même, ça c'est fini pour toi. Ton sang retombera sur toi-même. Damu yako itakuangukia we mwenyewe. Si vous ne voulez pas vous laver. Kama utake kujiosha. Vous ne voulez pas vous oindre. Utake kujipakala mafuta. Vous ne verrez pas Boaz. Hautamuona Boaz. Prions. Tuombe. Père céleste. C'est toi le Seigneur de la moisson. Ce soir,